Maïf. On me dit souvent, oui, il faut savoir lire entre les lignes. Bah, dans une poésie, ça se comprend. Mais l'autre jour, j'ai lu pour la première fois un contrat d'assurance. Ah bah, j'ai rien capté. Donc, imagine lire entre les lignes un texte auquel t'as rien compris. Du coup, moi, je me suis inscrite en fac de droit. Je commence demain. Allez, je vous tiens au jus. À la Maïf, pas besoin de devenir juriste pour être assuré. On vous propose spontanément les garanties auxquelles vous avez droit. Numéro 1 de la relation client depuis 20 ans. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024. Enquête annuelle Bering Point Kantar réalisée auprès de 4000 personnes. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Enver Hoxha, le dernier stalinien d'Europe. Durant 40 ans, jusqu'à sa mort en 1985, ce communiste, héros de la résistance à l'Italie fasciste et à l'Allemagne nazie, impose au peuple albanais une tyrannie paranoïaque, mélange de stalinisme, de maoïsme et de nationalisme. Son modèle, c'est Staline, et il le restera jusqu'au bout, même quand les crimes du dictateur soviétique seront rendus publics à Moscou. Intransigeant autant que mégalomane, Hoxha se fâche avec tous ses alliés. La Yougoslavie de Tito, l'URSS de Khrouchtchev, la Chine de Mao. Et il fait de son pays une immense prison, isolée du reste du monde, un pays surréaliste, à nos portes, où la critique n'est pas tolérée et où seul le catéchisme stalinien a cours. Au nom de la pureté du marxisme-léninisme, des milliers de vies sont sacrifiées à coups de purges, de relégations et de suicides, entre guillemets, en vérité, des meurtres, des crimes d'État. Endoctrinés dès leur plus jeune âge, les Albanais considéraient Hoxha comme un dieu vivant. Mais il n'était pas plus immortel qu'un autre, et sa légende a fini par être emportée par le vent de l'histoire. Nos invités aujourd'hui, Elisabeth et Jean-Paul Champé, co-auteurs de 57 Boulevard Staline, chronique albanaise, livre publié à la découverte en 1990. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Rémi Carayol, rédaction en chef Franck Colliard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Hélène Bisio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 6 ans et 6 jours pour abattre le fantôme. Février 91, la guerre du Golfe en Irak occupe toute l'attention médiatique quand parviennent d'Albanie les échos d'une révolte populaire. Depuis plusieurs jours, ce petit pays de 3 millions d'habitants, niché entre la Grèce et ce qu'on appelle encore la Yougoslavie, est en ébullition. Le peuple, et notamment la jeunesse, veut en finir avec le régime communiste. La contestation a commencé avec les étudiants au début du mois, puis elle s'est étendue à l'ensemble du pays. Et le 20 février, l'impensable se produit à Tirana, la capitale. La statue d'Enver Hoxha, 10 mètres de haut, est déboulonnée sous les vivats de dizaines de milliers de manifestants. C'est une seconde mort pour l'ancien maître du pays, disparu 6 ans plus tôt. Un événement qui mérite bien une petite place dans le 20h d'Antenne 2. C'était mercredi dernier à Tirana, la statue d'Enver Hoxha, fondateur du communisme albanais, cédait à la pression de la foule. Un symbole que des militaires conservateurs auraient voulu restaurer cet après-midi en tentant d'installer un buste de Hoxha au même endroit. Un nouvel épisode s'ajoutant à la confusion qui règne dans la capitale depuis 24 heures. Hier déjà, quelques centaines d'opposants au régime voulaient pénétrer dans l'école militaire de Tirana. Leur objectif, toujours le même, un buste de l'ancien dirigeant albanais. Pendant 40 ans, Enver Hoxha a imposé un régime de terreur aux Albanais. Stalinien jusqu'au bout des ongles, il fait de ce pays montagneux une prison à ciel ouvert, aux frontières quasi infranchissables, constellée de bunkers, et dans laquelle est punie toute forme de déviance. Un terme qui, dans cette tyrannie ubuesque, veut tout dire et ne veut rien dire, en tout cas rien de rassurant. On parle de 7000 fusillés, de 20 000 prisonniers politiques, de 22 000 internés et combien de suicidés. La critique n'est pas seulement interdite, elle est inconcevable. Hoxha est le camarade suprême, mais plus encore, le culte de la personnalité qu'il a imposé en a fait un dieu vivant pour les Albanais. Un peu sur le modèle des Kim en Corée du Nord, d'autres affreux de cette planète. Enfant, l'écrivain Beshnik Mustafaj a rencontré Hoxha. Voici ce qu'il en disait en 96, après la chute du régime communiste, dans un reportage de l'émission La 25e heure sur France 2. Qu'est-ce que mes parents étaient heureux, les voisins, les cousins, tout le monde. C'était absolument tout le monde m'enviait parce que je l'avais touché. Tout le monde était sûr que voilà, maintenant ça va me porter bonheur si tu veux. Ça va changer ma vie parce que je l'avais touché. C'était un dieu. La ville, elle était hyper heureuse qu'il était venu là, qu'il avait fait des compliments à ces montagnards qui vivaient ici, qui étaient beaux, grands, forts, énergiques, patriotes. Enver Hoxha est le cadet de quelques années seulement des grands criminels du XXe siècle que sont Staline, Hitler et Mao. Il voit le jour en octobre 1908, le 16, une date qui sera célébrée chaque année durant son règne dans la ville de Girokastère, située près de la frontière avec la Grèce. À cette époque, les Ottomans sont encore les maîtres du pays. Mais Hoxha est trop jeune pour s'en rendre compte. Il n'en est fait que 4 ans lorsque l'Albanie acquiert son indépendance, et 10 quand la Première Guerre mondiale prend fin. Son père a migré aux États-Unis et a confié son épouse et ses 5 enfants à son frère. C'est ce père de substitution qui éveille le jeune Enver à la politique. Mais c'est à l'adolescence qu'il s'y intéresse vraiment. Au lycée français de Girokastère d'abord, puis à celui de Koryza, où il obtient son bac en 1930. C'est là, raconte-t-il dans ses mémoires, qu'il découvre le marxisme-léninisme et qu'il lit pour la première fois le manifeste de Marx et Engels. Une figure révolutionnaire l'attire tout particulièrement, Robespierre. Et ça tombe bien, car c'est en France, à Montpellier, qu'il va poursuivre ses études. Il y reste 3 ans, puis il file à Paris, où il prétend fréquenter des communistes. En 36, il pourra aller se battre en Espagne, aux côtés des républicains, comme d'autres communistes. Mais non, il rentre en Albanie et devient professeur de français dans son ancien lycée de Koryza. Pour un communiste, il s'en sort plutôt bien dans un pays qui est alors dirigé par un monarque, le roi Zog Ier, allié de l'Italie fasciste. En réalité, beaucoup doutent de son militantisme. Le grand écrivain albanais Ismaël Kadare, un contemporain d'Hoxha, dit de lui qu'il est devenu communiste par hasard. En tout cas, une chose est sûre, c'est un francophile. Il parle un français impeccable et n'en est pas peu fier. Il aime lire Le Monde, L'Humanité, bien sûr, et des auteurs classiques, Corneille, Racine. Plus tard, quand il dirigera le pays et côtoiera les grands noms de l'international communiste, c'est avec les Français qu'il sera le plus à l'aise. Voici ce qu'en disait sa veuve, Nechmie, dans la 25e heure en 1996. J'ai vécu avec lui 45 années. J'étais la femme la plus heureuse parce que c'était une mari idéale. Il avait une vaste culture. Il aimait, par exemple, parler avec Thorez, avec Jacques Duclos ou avec Bonmousseau. On parlait de culture, de littérature, de politique, certainement. Tandis que les Soviétiques, non, ils ne voulaient pas parler. Ils ne comprenaient pas ça. Hoxha enseigne donc le français quand l'Europe plonge à nouveau dans la guerre en 1939. L'Italie de Mussolini renverse Zog et envahit l'Albanie. Le Duce veut en faire une colonie. Mais les Albanais ne l'entendent pas de cette oreille. Alors la résistance s'organise et Hoxha va y prendre part. Dès novembre 1939, il se fait remarquer en participant à une manifestation antifasciste. Résultat, il est exclu de l'instruction publique. Il part alors à Tirana. Il y tient un bistrot, le Flora, où lui et des camarades se préparent à l'action. En octobre 1941, ils organisent une manifestation qui tourne à l'empoignade avec les carabiniers. Un mois plus tard, ils participent à la création, dans la clandestinité, du Parti communiste albanais, le PCA, qui sera plus tard renommé Parti du Travail d'Albanie. Il n'en est pas encore le chef, ce n'est qu'en 1943 qu'il en devient le secrétaire général. Il tentera de dissimuler plus tard lorsqu'il écrira sa propre légende, mais pour l'heure, il bénéficie du soutien actif des communistes yougoslaves. Or, ces derniers ne l'aiment pas beaucoup, ce Hoxha. Ils lui reprochent son opportunisme et lui préfèrent un certain Kocsi Dzodze. Pourtant, Hoxha finit par s'imposer. En mai 44, lorsque les Maquisards créent le comité gouvernemental provisoire, c'est lui qui en prend la tête. Depuis septembre 1943, ce sont les nazis qui contrôlent le pays. Ils ont pris le relais des Italiens. Mais en novembre 1944, ils sont chassés après 15 mois d'une occupation sanglante et d'une résistance acharnée appuyée par les Alliés. Le 18 novembre, Tirana est libéré. Le 28, Hoxha y entre en triomphateur. « Vive l'Albanie libre, démocratique », lance-t-il à la tribune. « Vive les grands alliés !» Et de citer l'Union soviétique, bien sûr, mais aussi l'Angleterre et les États-Unis. Sur les images d'époque commentées dans ce documentaire d'Arte, on le voit marcher fièrement au milieu d'une foule qui l'acclame et de femmes qui lui lancent des fleurs. Déjà, Enver Hoxha s'est imposé comme le leader unique du pays, éliminant au sein du parti et de la résistance tous ceux qui pouvaient lui barrer la route. Autour de lui, il n'y a que des hommes sûrs et au service de son ambition. Pas de compromis, pas d'alliance, pas de divergence, pas d'opposition. Son pouvoir sera absolu. Américains et Britanniques d'un côté, Soviétiques de l'autre, les alliés d'hier s'interrogent. Qui peut connaître le vrai destin de l'Albanie ? En réalité, les Alliés n'en ont pas grand-chose à faire de ce petit pays. Dans le partage du gâteau qui se joue à la fin de la guerre, Churchill laisse volontiers à Staline. Fort de ce soutien, les communistes l'emportent face aux autres courants de la résistance, les royalistes et les républicains. L'Albanie devient une république populaire. Nationalisation des usines, collectivisation des terres, c'est un scénario désormais bien connu. Les bourgeois sont déchus de leurs biens, les intellectuels de droite sont emprisonnés, c'est le temps des purges. Mais Hoxha n'est pas encore le maître du pays. Il a beau être le chef du gouvernement, il est dépendant des Yougoslaves de Tito. Et leur homme de confiance à Tirana, ce n'est pas lui, c'est Xoxe, prononciation non garantie dans cette langue unique qui a subi des influences du grec, du roumain, du serbo-croate et d'autres langues indo-européennes. La Yougoslavie, elle, a déjà pris le contrôle du Kosovo et elle semble se diriger vers une annexion pure et simple de l'Albanie. Et Hoxha s'y oppose et il demande audience à Staline. Il l'obtient en juillet 1947. Mais il ne fait pas forte impression. Hoxha est un petit bourgeois trop enclin au nationalisme, juge l'ogre soviétique. Pour l'Albanais, les temps sont durs, son pouvoir est menacé et seul un miracle pourrait inverser la tendance. Eh bien, ce miracle, il arrive, très vite même, dès 1948. Il se trouve qu'en Yougoslavie, Tito est un peu trop indépendant aux yeux de Staline. Quand il ose affirmer qu'il n'existe pas une voie unique pour parvenir au socialisme, il franchit la ligne rouge. À Moscou, il est qualifié de traître à l'internationalisme. Et en juin 1948, c'est la rupture. Tito est en passe de devenir le leader des pays qu'on a appelés les non-alignés. Hoxha, lui, peut respirer. L'annexion de son pays tombe à l'eau. Alors, sans tarder, il dénonce les accords qui le lient à la Yougoslavie. Puis il fait le ménage autour de lui. Tous les pro-yougoslaves sont écartés. En juin 1949, Xoxe est exécuté. Dès lors, Hoxha devient le maître incontesté de l'Albanie. Et son modèle, c'est Staline, et il le restera jusqu'au bout, même quand le monde entier, y compris les communistes russes, s'en seront démarqués. Quand le dictateur soviétique meurt le 5 mars 1953, Hoxha perd bien plus qu'un allié. Alors, pour marquer le coup, il décrète un deuil de 14 jours et il organise un rassemblement grandiose dans le centre de Tirana. Ce jour-là, il rend un vibrant hommage au petit père des peuples. Ce matin du 9 mars, c'est le quatrième jour où nous nous réveillons sans Staline. Personne ne peut encore croire la nouvelle qui a bouleversé nos cœurs. Qui aurait pu imaginer que nous nous réunirions un jour pour cet hommage mortuaire à celui que nos cœurs chérissaient, à notre cher Staline adoré. Nous jurons devant le camarade Staline de porter bien haut le drapeau de l'internationalisme prolétarien et de renforcer notre amitié avec les peuples des pays de démocratie populaire et avec tous les pays qui luttent pour la paix, la démocratie et le socialisme. Le successeur de Staline, Nikita Khrouchtchev, s'engage à continuer de soutenir l'Albanie. Moscou envoie des experts, des ingénieurs, des militaires et alloue des crédits à son allié. Mais ce n'est jamais assez aux yeux d'Hoxha. Lui voudrait industrialiser son pays quand les soviétiques le destinent, eux, à l'agriculture. Et c'est ainsi qu'au fil des ans, les relations se tendent. En juin 1955, Khrouchtchev se rend à Belgrade et fait la paix avec Tito. Voilà qui inquiète le tyran albanais. Parce que non seulement sa position est fragilisée, mais de surcroît, l'héritage de Staline est menacé. En février 1956, Hoxha tombe des nues lorsqu'il apprend qu'au cours du 20e congrès du Parti communiste à Moscou, Khrouchtchev s'est livré durant près de 4 heures à une critique impitoyable du régime de Staline. C'est le fameux rapport secret. À huis clos, devant les délégués soviétiques à Bazovodi, Khrouchtchev fait le procès de son prédécesseur, dénonçant les déportations, les exécutions, le culte de la personnalité, la famine organisée par la réforme agraire. En vérité, tout ce qui caractérise aussi l'Albanie d'Enver Hoxha. Et quand il prend connaissance de ce discours, l'Albanais s'étrangle, parce que pour lui, tout ça, c'est du révisionnisme, rien d'autre. Ça n'empêche pas de rester sous l'aile protectrice de Moscou, ni même de recevoir Khrouchtchev en grande pompe à Tirana en 1959. Durant 10 jours, les deux hommes se prêtent au jeu des sourires et des visites officielles. Mais il y a de l'eau dans le gaz. Sourires et toasts masquent maintenant des relations devenues orageuses. En fait, Khrouchtchev vend à Hoxha le maintien de l'aide économique. Ce qu'il veut en échange, c'est ceci, la base navale de Pachalamani, au fond de la grande baie de Vlora. Pour Moscou, un très vieux projet, un pied en Méditerranée. Ici, les sous-marins et les missiles soviétiques menaceront toutes les bases de l'OTAN au sud de l'Europe. Au cœur de la Méditerranée, l'Albanie devient alors, comme Cuba, un détonateur nucléaire contre le ventre du monde libre. Moscou y tient cette base de Pachalivan qui abrite des sous-marins et des bateaux de guerre. Mais les soviétiques se méfient d'Hoxha, car l'homme est orgueilleux. La soumission au nom de l'unité du camp socialiste, très peu pour lui. La rupture semble donc inévitable. Et c'est à Moscou que le maître de Tirana va la sceller au vu du monde entier. Nous sommes en novembre 1969. Les partis communistes se retrouvent tous en Russie. Il y en a 81, venus de partout, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique. La journée, les discours se succèdent, tous plus pontifiants les uns que les autres. Et le soir vient le temps des conciliabules. Les soviétiques savent qu'Hoxha prépare un coup. Alors ils essaient de le raisonner par tous les moyens. Mais rien n'y fait. L'Albanais prend pour prétexte une livraison de blé promise par Moscou qui n'est jamais arrivée. « Nous manquions de pain, reproche-t-il. Nous n'en avions que pour 15 jours. » Et l'entretien avec Khrouchtchev se passe mal. Le ton monte. Khrouchtchev s'énerve. « On ne peut pas discuter avec vous. Il n'y a que Macmillan qui a voulu parler comme ça avec moi. » Macmillan, le premier ministre britannique. Réaction outrée des Albanais. Dans ses mémoires, Hoxha écrira « Nous nous levâmes, tous les quatre, et les plantâmes là, sans même leur tendre la main. » Dès lors, la messe est dite. « Le 16 novembre, c'est au tour d'Hoxha de monter à la tribune. Son discours jette un froid polaire. « Nous sommes convaincus que le peuple soviétique n'approuve pas votre action », lance-t-il à Khrouchtchev. « Vos erreurs doivent être corrigées. » Dans la salle, on s'offusque et les critiques pleuvent. L'Espagnol Dolores Ibarruri compare Hoxha au chien qui mord la main qui le nourrit. Lorsque la séance est levée, la délégation albanaise ne traîne pas. Elle fait ses valises et file à l'ambassade d'Albanie. Puis elle quitte le pays, non pas par les airs, un accident est trop vite arrivé, mais par le rail. Direction l'Autriche, puis l'Italie et enfin l'Albanie. C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, dans mon cœur battant la chamade, pour qu'il revive à jamais. Ce mari cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Enver Hoxha, le dernier stalinien. France Inter, Affaires Sensibles. Novembre 1960, Hoxha vient de rentrer en Albanie après avoir fait la leçon à Khrouchtchev. Tandis qu'à Tirana, c'est le temps des incertitudes. Partout on chuchote. Que s'est-il passé à Moscou? La presse n'en parle pas. Le pouvoir se tait. Mais dans les foyers, on s'interroge parce qu'on a bien compris que quelque chose de grave était arrivé. La rupture? Non. Personne n'ose y croire. Dans un roman magistral intitulé « L'hiver de la grande solitude », l'écrivain albanais Ismail Kadare raconte cette curieuse parenthèse, l'escalade du doute, comme il l'appelle. Son personnage principal, Pechnik, est un journaliste qui fait office de traducteur à Moscou. Comme les autres, il semble perdu à l'idée que les soviétiques ne soutiennent plus l'Albanie. Pire, qu'ils lui imposent un blocus. Comment va-t-on faire sans eux? Hoxha y est présenté sous des traits positifs, héros solitaire face au reste du monde. Mais Kadare décrit surtout la sidération que provoque cette rupture sur la population. Et en filigrane, l'espoir silencieux d'une libéralisation et pourquoi pas, d'un rapprochement avec l'Ouest. Lorsque le livre est publié en 1973, il suscite de nombreuses critiques et il est censuré, bien sûr. Écoutons Kadare parler de cette période particulière. C'était en 1992, au micro de France Culture. Quand l'Albanie s'est sortie du camp socialiste, en 1960, c'était pour tous nous, c'était un grand espoir. Nous allons penser que voilà, l'Albanie, c'est pas conflit seulement avec l'Union soviétique, c'est un conflit avec tout le communisme, déjà. Malgré ça, ce qu'il veut ou ne veut pas, Hoxha, notre dictateur. C'est-à-dire que vous aviez l'espoir de sortir du camp socialiste? Absolument, parce que l'Albanie s'est sortie du camp, déjà. Alors, tout le monde a pensé que, tôt ou tard, elle va vers l'Europe. Donc, l'espoir de ceux que vous appelez dans le grand hiver, les ci-devant, c'est-à-dire les nostalgiques de la... C'était de tous. C'était votre espoir à vous. De tout le monde, c'était l'espoir, oui, c'était de tout le monde. Pour les gens du nouvel socialiste, c'était un rêve. Mais le rêve s'évanouit. Pour certains Albanais, c'est même un cauchemar. Dès son retour, Hoxha élimine les pro-soviétiques. Parmi eux, une figure du régime, Liri Belichova. La rumeur dit que cette femme a été étranglée alors qu'elle était enceinte. En mai 61, l'armée rouge quitte la base de Pachaliman non sans mal. Les Russes acceptent de partir, mais avec tous leurs navires. Eh bien, Odja s'y oppose. Non, lui, il veut partager. Et il menace de déclarer la guerre à l'URSS, rien que ça. Et il finit par l'emporter. Oui, humilié, les Russes laissent quatre submersibles derrière eux. 6 mois plus tard, l'Albanie rompt tout lien diplomatique avec l'URSS. Exit le Comecon, le Conseil d'assistance économique des pays communistes. Exit le pacte de Varsovie. Du jour au lendemain, ce qui était adoré est honni. Dans les discours officiels, dans la rue, dans les arts, tout ce qui fait référence à la patrie du socialisme est effacé. Les Khrouchtcheviens sont des opportunistes et des traîtres, lance Odja. Un monde s'écroule. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre en Albanie. Mais ce n'est pas celle du capitalisme, non. C'est vers la Chine qu'Odja se tourne. Son petit pays a besoin d'un protecteur, d'un appui économique surtout. Et les Chinois, eux, ont besoin d'alliés. Le combo est parfait. Alors après Belgrade, après Moscou, direction Pékin. Certes, au début, il faut se serrer la ceinture. L'aide de la Chine met du temps à arriver. Puis elle finit par se concrétiser. Et elle convient bien, bien mieux en tout cas à Odja, que l'aide russe. Parce que, contrairement à Moscou, Mao Tse-tung, lui, ne veut pas cantonner l'Albanie à un rôle de ferme géante. Non, il s'engage à financer la construction d'un complexe métallurgique, une centrale hydroélectrique, des usines. Il est temps désormais de créer ce que l'on appelle à Tirana, comme à Pékin, l'homme nouveau. Écoutez ce qu'en disait en 72 l'écrivain et diplomate Misto Tresca, une figure de régime, au micro du journaliste Jean Bertolino. Le but de l'édification du socialisme, c'est aussi, en premier lieu, la création de l'homme nouveau. Là, je vous arrête. Beaucoup d'autres avant vous ont pensé à créer un homme nouveau. Est-ce que vous n'êtes pas comme ces philosophes un peu utopistes? Les utopistes ont voulu, il est vrai, créer un homme nouveau, mais dans des conditions où l'homme est exploité par l'homme. L'homme nouveau doit mettre au-dessus de tout, au-dessus de son intérêt personnel, l'intérêt général, l'intérêt de toute la société. Pour créer l'homme nouveau, logique qu'il faut déconstruire l'ancien. Autrement dit, briser la bourgeoisie, prohiber les pratiques coutumières comme la jama, une plainte funèbre particulièrement démonstrative. Interdire la religion également. En 1967, l'Albanie, à majorité musulmane, devient le premier état athée du monde. Les églises et les mosquées sont rasées, parfois elles sont transformées en guinguettes ou en étables. Seul le dogme marxiste est autorisé. Au début, la relation avec Pékin semble idyllique. En 63, le premier ministre chinois Zhou Enlai vient même réveillonner en Albanie avec des ouvriers d'un combinat textile portant le nom de Staline. Mais pour la Chine, l'Albanie est un partenaire d'ordre secondaire. Et cela ne convient pas à l'idée qu'Odja se fait de son pays et de lui-même. Il voudrait parler d'égal à égal avec les grands de ce monde et imposer sa lecture très personnelle de la doxa marxiste-léniniste. Dans son journal de bord, il fulmine contre cet allié qui le néglige. Mao marche sur les traces de Khrouchtchev, peste-t-il. Quand le grand timonier reçoit Nixon en février 72, Odja s'irrite. La Chine, écrit-il, s'est engagée dans une voie opportuniste libéralo-révisionniste. Le maoïsme n'est rien d'autre, je le cite, qu'un amalgame d'idéologies anarchistes, trotskistes et révisionnistes. En 76, 2 mois après la mort de Mao, Odja critique Pékin lors du congrès du Parti du Travail d'Albanie. Et en juillet 78, ce qui devait arriver arrive, c'est la rupture. La Chine stoppe toute aide économique et militaire. Elle rappelle ses experts et renvoie chez eux les 104 étudiants albanais qui bénéficiaient d'une bourse. Et c'est l'isolement. L'époque dit du « splendide isolement ». Comme l'écrit le journaliste Bertrand Legendre dans une biographie du tyran, ce n'est pas pour déplaire à Odja. Au Au fil des ans, en effet, le maître de Tirana instaure un totalitarisme unique en son genre, mélange de stalinisme, de maoïsme et de nationalisme, et de paranoïa. Tout cela à nos portes, rappelons-le, à 70 km à vol d'oiseau des côtes de l'Italie, dans la région de la Puglia. Les Pouilles, comme disent les Français. Un modèle albanais qui, d'ailleurs, fait des émules un peu partout dans le monde. En Europe, en Afrique, des groupuscules marxisants se disent albanais et se réfèrent au dogme enveriste. Un système pourtant absurde, où l'on interdit tantôt la voiture, tantôt les lunettes de soleil, tantôt la profession d'avocat. Persuadé que le monde entier en a après lui, Hoxha fait croire à son peuple que tout ce qui vient de l'extérieur est néfaste et que la menace est permanente. Alors, des milliers de petits bunkers sont érigés un peu partout au cas où, et chaque citoyen reçoit une formation militaire dès la petite enfance. Hoxha lui-même ne sort plus du pays. Il vit cloîtré dans la cité interdite, le quartier du blocus réservé à la nomenclatura, à Tirana, la capitale. Dans ce huis clos, la propagande est omniprésente. Elle inonde tout l'espace public également. Les routes sont saturées d'affiches sur lesquelles sont inscrits des slogans révolutionnaires. Vive le camarade Enver Hoxha! Le peuple obéit au parti, le parti obéit au peuple. Jour et nuit, Radio Tirana exalte en 17 langues les vertus de la révolution. Il y a même des haut-parleurs dans les rues qui distillent la vérité officielle. Écoutez ce reportage de l'émission 7 jours dans le monde, diffusé en 1963. Ces litanies que déversent les haut-parleurs ne sont pas des versets du Coran, mais des slogans de propagande. Les foules sont solidement mises en condition comme dans les pays voisins. Les jeunes sont enrégimentés. Pour eux, les lendemains qui changent, c'est la perspective d'être à jamais un militant. Dans ce reportage, on peut voir durant quelques secondes une horloge qui indique l'heure aux passants. Bon, jusque-là, rien que de très normal. À ceci près que cette horloge est surmontée du prénom du grand leader, Enver. Bref, si Hoxha est nulle part dans le monde, il est partout en Albanie. Il est tout à la fois le père de la nation et le prophète du marxisme-léninisme, et cela, les Albanais ne doivent jamais l'oublier. D'ailleurs, l'endoctrinement commence dès le plus jeune âge. À l'école, les enfants récitent ce genre de phrases. « J'aime le parti autant que ma mère, j'aime le camarade Enver autant que mon père. » En 58, un décret lui confère le titre de garant de la pureté marxiste-léniniste. Évidemment, avec ce régime ubuesque, aucune critique n'est tolérée. La police politique, la Sigourimet, veille au rein. Elle compte, dit-on, 200 000 agents chargés de traquer les ennemis de l'intérieur. La population est également mise à contribution et la délation est encouragée. Oui, on peut dénoncer un directeur, un professeur ou un voisin simplement en inscrivant un nom sur des affiches murales. Charge à la personne incriminée de se justifier ensuite. Ainsi, on peut être arrêté pour trois fois rien, un mot mal placé, une attitude suspecte. Et c'est ce qui arrive à Bechnik, le héros du livre de Cadaret. Il risque d'être exclu du parti et donc de perdre son travail parce qu'il tarde à épouser sa fiancée, figurez-vous. Dans l'Albanie des camarades Enver, tout le monde doit se sentir coupable de quelque chose. Et bien sûr, les procès se multiplient, comme ici en 1978. Ici, quatre jeunes gens qui ont tenté de fuir le pays. Le décor, un cinéma ou un théâtre. Le drame se joue à guichet fermé. Une fois découverts, les suspects sont jetés dans des prisons insalubres. On les surnomme les crématoriums. Non pas qu'on y meure de chaud, mais de froid. D'autres sont envoyés avec leur famille dans des villages de rééducation. Les internim. Sous Hoxha, la punition est collective. Sur décision administrative, des familles entières sont reléguées dans ces villages reculés au prétexte que l'un des leurs est un ennemi de la révolution. Et ces familles peuvent y rester 5 ans, 10 ans ou toute une vie. Personne n'y échappe, pas même les dirigeants du parti. Régulièrement, des purges sont menées au cœur même du réacteur. Même Mehmet Chehou, le bras droit d'Hoxha pendant des années, son ami, finit par en être victime. Le 18 décembre 81, son cadavre est retrouvé sur son lit. Le pouvoir parle d'un suicide. En réalité, il a été liquidé. D'ailleurs, Il est immédiatement qualifié de traître et de mercenaire. On suicide beaucoup au pays des aigles. Mais la mort de Chou sonne le glas d'Ogja lui-même. Si le dictateur albanais s'est séparé de son homme de confiance, c'est parce qu'il sait que ses propres jours sont comptés. Il est malade depuis plusieurs années. Le diabète le mine. Et parfois, il perd conscience. Il faut donc préparer sa succession. Mais dans son entourage, on ne bat pas de Chou. On lui préfère Ramiz Alia, moins aguerri, plus malléable. Le 11 avril 85, au milieu de la nuit, le tyran s'éteint. Et au petit matin, Radio Tirana annonce la nouvelle. Ici Tirana. Ici Tirana. Camarades communistes, ouvriers, paysans coopérateurs, intellectuels, femmes et jeunes d'Albanie, vétérans de la lutte et compatriotes. C'est avec affliction et douleur profonde que nous vous informons qu'aujourd'hui, le 11 avril 1985, à 11h15, a cessé de battre le cœur du dirigeant bien-aimé et glorieux de notre parti et de notre peuple, le camarade Enver Hoxha. Durant trois jours, la foule défile devant son catafalque recouvert d'un drap de soie rouge. Et la file s'étire sur plus de 2 kilomètres. Cohorte de citoyens au cerveau suffisamment lavé pour croire à la mort d'un héros. Alors qu'en vérité, ils sont débarrassés d'un monstre. Le 15 avril, son corps est inhumé au cimetière des martyrs de la nation. Les funérailles seront transmises à la télé, bien sûr. Le peuple albanais a perdu son guide, mais sa légende résiste. Un temps, tout du moins. Partout dans le pays, sur les routes de campagne, comme dans les villes, sont érigées des étoiles peintes en rouge avec cette inscription « Enver Hoxha, 1908, immortel ». Chaque mois, le régime désormais dirigé par Ramiz Alia organise une journée d'Enver. Et en octobre 88, pour le 100e anniversaire de sa naissance, 3 statues sont érigées en son honneur à Tirana, Tirocaster et Kortsar. Mais Hoxha n'était pas plus immortel qu'un autre. Moins de 3 ans après, le peuple déboulonne sa statue à Tirana et fait tomber le régime communiste. En 91, c'en est fini de la carrière de la dictature stalinienne, la dernière d'Europe. Le pays s'ouvre. Aujourd'hui, il est même devenu une destination touristique de premier ordre, offrant des paysages sublimes, montagnards comme maritimes, un nouvel Eldorado pour les vacances, loin, si loin de la période Hoxha. Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, Enver Hoxha, le dernier stalinien dont nous parlons avec nos invités Elisabeth et Jean-Paul Chancé. Bonjour. Bonjour. Alors non seulement vous avez coécrit ce livre, 57 boulevard Staline, chronique albanaise, mais alors vous avez vécu en Albanie, vous avez enseigné le français à Tirana de 1982 à 1988. J'ai envie de vous dire, mais quelle idée d'aller en Albanie, ce pays qu'on regardait avec des yeux ébahis, dans la mesure de ce qu'on pouvait voir d'ailleurs, parce qu'il était complètement fermé. Bref, racontez-nous. Eh bien, au départ, nous souhaitions simplement aller enseigner à l'étranger, et donc nous avions fait des choix assez touristiques, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Grèce, et le ministère français nous a dit « mais on a quelque chose pour vous, c'est presque pareil, l'Albanie ». Et c'est le démon de la curiosité qui a fait que nous avons décidé d'aller dans ce pays, parce que je précise que nous n'étions évidemment pas sympathisants politiques et que nous n'avions jamais mis les pieds dans un pays communiste. Pour une initiation, c'était quelque chose, hein, parce que c'était quand même le plus surréaliste de tous les pays communistes d'Europe. Que découvrez-vous sur place, Elisabeth Chancé? Quelle est l'ambiance? Pour vous donner une idée, je vais vous parler de notre arrivée. Mmh. Donc nous étions sur une toute petite route de campagne du côté yougoslave. Aucun panneau ne signalait l'Albanie. Une petite vieille dame nous a montré un chemin. Bon, nous étions en voiture, nous avons pris ce chemin. On a même demandé notre chemin à une caserne. On a eu un certain succès. Et puis on arrive au poste frontière. Les Yougoslaves nous regardaient d'un air bizarre. Qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas, ces jeunes gens? Nous avions environ 25 ans. Et puis, arrivé à la frontière, comité de réception, qui nous a fait parler. Bon, et nous prenons la route. Et là, le soir tombait. Et donc, les paysans sortaient des champs. Soit à pied, avec leurs outils sur l'épaule, soit à l'arrière de camions chinois. Et quand on a traversé un des premiers villages, Coplicou, qu'est-ce qu'on a vu ? Des petites filles qui traînaient des bidons terriblement lourds, parce qu'elles étaient allées chercher de l'eau. Des grands-mères qui avaient des fagots immenses sur leurs épaules. On arrive dans la grande ville du Nord, donc Shkodra. Et là, une lumière blafarde. On voyait bien qu'il n'y avait rien dans les boutiques. Les vieilles femmes n'avaient pas de foulard sur la tête, mais des serviettes éponges. Et vraiment, ce qui nous a frappé d'emblée, c'est la pauvreté. Et alors, on a raconté à quel point c'était un régime paranoïaque, dictatorial. Est-ce que vous vous êtes senti espionné ? Regardez, y avait-il des micros ? Par définition, quand il y a des micros cachés, ils sont cachés, on ne le sait pas. Mais enfin bon, parfois on le sait plus tard. Alors, la situation était assez paradoxale, parce que nous étions espionnés. Il n'y avait pas de doute, on nous avait averti que l'immeuble que nous occupions, qui avait été construit jadis par des Chinois, était truffé de micros, et on s'en était aperçu parce que le rez-de-chaussée, lorsque nous montions dans les étages, n'avait pas de porte. Donc, c'était évidemment quelque chose de suspect. On a compris plus tard que les agents de la Sigurimi entraient par une sorte de petit pont qui était dressé à partir d'une villa voisine, et ce rez-de-chaussée était entièrement consacré aux écoutes. On le savait, et par exemple, lorsque notre téléphone faisait des grincements épouvantables, on demandait à la Sigurimi de diminuer les appareils, ce qu'il faisait, pour qu'on puisse communiquer comme il convient. Oui, alors, ils avaient de chance. Pour vous montrer l'ambiance, on s'était donné pour consigne de ne jamais parler des Albanais entre nous dans l'appartement. De toute façon, je ne sais pas ce qu'on aurait pu dire parce qu'aucune confidence ne nous était faite. Mais un jour, j'ai piqué une de mes nombreuses colères parce que c'est quand même très très dur de vivre dans un pays où les relations avec les gens du pays sont interdites. On nous l'avait dit avant de partir, mais le vivre, c'est vraiment très dur. Et de temps en temps, je piquais une bonne colère et à un moment, je dis, c'est quand même incroyable. Si je rentre en France et que je dis depuis, ça devait faire 4 ans que nous sommes en Albanie, on n'a jamais bu un café avec un collègue. Le lendemain, on arrive à la fac et un collègue nous dit, si on allait boire un café. T'as donc. Et alors, comment la vie quotidienne, donc on est dans une économie de pénurie, hein. Comment ça se manifeste tous les jours ? Ah ben, ça se manifeste par un amaigrissement caractéristique dans la mesure où, alors nous avions un magasin dit diplomatique dans lequel finalement on n'avait pas grand-chose de plus que les autres, si ce n'est qu'il y avait un approvisionnement relativement régulier, il y avait des œufs, des spaghettis, il y avait quelques légumes, des épinards, mais de la viande rarement, du poisson jamais. On voyait alors qu'il y a une façade maritime, c'est un petit pays avec une façade maritime importante. Ah mais tout à fait, mais la question était maintenant simple. Vous l'avez dit, les Chinois avaient été renvoyés et il fallait faire fonctionner les usines. Donc, le seul moyen était de vendre, du point de vue agricole, tout ce qui était vendable pour obtenir des devises et acheter des pièces. Donc, il restait vraiment les fonds de tiroir et même avec de l'argent, vous n'aviez pas moyen d'acheter de la nourriture. Ce que vous pouviez faire, c'est aller au restaurant. Il y avait un restaurant pour étrangers, l'hôtel d'Haïti, où le dernier étage était consacré aux écoutes. D'ailleurs, on l'a découvert au moment de la chute du régime. Et là, vous pouviez manger convenablement. Mais évidemment, les Albanais ne pouvaient pas y accéder. Et les prix, évidemment, étaient relativement élevés, même pour les Albanais de la nomenclatura. Mais la misère était patente, hein, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé. Nous avions la chance d'avoir une voiture et de pouvoir circuler en province. Et effectivement, les villes de province vivaient dans une pauvreté terrible, à tel point que les Albanais se promenaient toujours avec un filet pour acheter éventuellement quelque chose qui pourrait être proposé. Et le 1er mai, lorsqu'il y avait le défilé et les invités étrangers, eh bien, on décongelait des prunes, par exemple, pour montrer qu'il y avait des fruits. Et d'ailleurs, c'était une ancienne boutique qui vendait de quelques morceaux de viande pas très ragoûtants, qui étaient transformés en magasin de fruits et légumes. Alors, la misère, est-ce qu'il y a l'ennui va avec, on imagine? Je ne fais qu'imaginer, justement, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre témoignage. Est-ce que l'ennui est là, partout, dans ces pays? Cela dépend de la saison. C'est vrai qu'en automne, avec les pluies, en hiver, avec le froid, quand on n'a pas de manteau, quand on n'a pas de bonnes chaussures, quand on ne peut chauffer qu'une seule pièce de son appartement avec un tout petit poêle, l'ambiance était plutôt sinistre. Quand le printemps arrivait, c'était plus gai. Bon, nous n'y étions pas l'été, on se sauvait l'été. Mais je pense que oui, il y avait une chape de plomb sur les gens, mais en même temps, la famille était une grande ressource. Mmh. Et nous avons encore des amis albanais et qui nous racontent comment ça se passait à l'époque. Et dans les familles, on chantait, on dansait. Bon, on faisait avec le peu qu'on avait, on réservait parce qu'il y avait des tickets de rationnement. Donc on réservait du café pour les invités, on réservait de la farine pour faire un bon plat. C'est un peuple méditerranéen et ouais, très accueillant. Alors ça ne s'invente pas, vous habitiez au 57 boulevard Staline, d'ailleurs c'est le titre de votre livre. Alors quelle place il occupe ce Staline au moment où vous y êtes? On est quand même à la fin d'Enver Hoxha, puisqu'il meurt 3 ans après votre arrivée. Alors quoi, il y a des statues partout? Alors des statues partout, pas vraiment partout, mais dans le grand boulevard des Martyrs, il y a la statue de Staline. Lorsque vous allez au musée, on vous fait l'éloge de Staline, et dans l'idéologie, il est le pivot. Vous l'avez dit, c'est avec Staline que l'on rompt avec Tito, que l'on rompt avec Khrouchtchev, puis après avec Mao. Donc Staline est vraiment la personnalité clé qui explique la nature du régime. Et il ne faut pas oublier que, et c'est peut-être une des choses les plus terribles, c'est que Hoxha, voulant faire une industrie lourde, il réinvestit entre 30 et 50% du PIB des années 70 jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que, à fond perdu, on investit dans cette vision stalinienne de l'industrie lourde. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que l'Albanie était une société traditionnelle. Ouais. Et donc, il aurait fallu y aller doucement. Et là, ça a été immédiatement une injonction terrible. Il fallait que le pays devienne un pays industriel, et alors avec d'énormes combinates. Là aussi, on aurait pu imaginer des unités plus petites, mais non, il fallait que ça soit énorme. Et puis, dernier point, pour le stalinisme, j'avais pu discuter à la chute du régime avec Neshat Tozai, qui était un responsable de la police, et il m'avait avoué qu'il y avait des quotas d'arrestation. Des quotas. Des quotas d'arrestation, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, au mois de novembre, si on n'avait pas le nombre d'arrêtés prévus, eh bien, on arrêtait n'importe qui, un paysan pour espionnage, un prof pour propos subversifs, ce qui, évidemment, alors, entretenait une terreur, parce que l'ennui était couplé avec une terreur forte. Et la présence d'Hoxha partout? À la télé, partout, tous les jours, c'est ça? Oui, oui. Bon. Avec ces inscriptions en pierre sur toutes les collines qui vantaient le parti, qui vantaient Enver, les chansons qui allaient avec. Quand il y avait des rassemblements, il fallait scander « parti Enver » en applaudissant, oui. Merci infiniment, Elisabeth et Jean-Paul Chancé. Se rappelle votre livre « 57 boulevard Staline, chronique albanaise tirée du vécu ». Merci. Bon, merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Enver Hoxha, le dernier stalinien d'Europe. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Codla. Affaires Sensibles est un podcast France Inter.